17h30, vous êtes à l'écoute de CKRL 89.1, c'est l'émission La vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour parler du 9e art. Plusieurs regards donc qui seront portés sur la bande dessinée, sur des événements liés à la bande dessinée et sur des univers qui sont reliés à la bande dessinée, parfois d'un peu plus loin peut-être, notamment celui du vin. En fin d'émission, il y aura Michel Giguère qui sera avec nous pour nous parler justement des ponts entre vin et BD. Il faut dire qu'on en a vu quelques-uns au fil de différents albums, notamment Les Ignorants d'Étienne Davodeau. Il y aura une activité d'ailleurs mercredi prochain qui sera consacrée à l'observation justement de planches vinicoles avec donc Michel Giguère et un viniculteur de la région de Québec dans le cadre des rendez-vous de la BD. Alors ça, ce sera en fin d'émission, on va porter un premier regard là-dessus. Également, il y aura Thomas-Louis Côté qui sera de passage à l'émission, qui revient tout récemment d'Europe. Il a été au festival Quai des Bulles à Saint-Malo, quand même, je crois, le deuxième festival en importance du côté de l'Europe après Angoulême. Alors, qu'est-ce qui en est ressorti? Qu'est-ce qui a marqué Thomas-Louis? Eh bien, on va en discuter avec lui également tout à l'heure. Sinon, il y aura les commentaires BD de Stéphane Gravel. Et on aura le plaisir, dans quelques instants, de jaser un brin avec Maryse Dubuc, tome 6 de la série Les Nombris, très très attendu, que ce soit en Europe, que ce soit ici au Québec d'ailleurs, un bel album qui s'inscrit d'ailleurs fort bien dans ce qui nous a été déjà proposé. Alors on en aura un peu plus de détails tout à l'heure. Sinon, dans l'actualité BD, notamment, je mentionne le décès tout récent là, de Jean-Guy Lemay, qui s'est éteint vendredi dernier dans un hôpital de Sainte-Agathe-des-Monts. Il avait 73 ans. Je reprends un peu, d'ailleurs, en fait, quelques éléments de la notice biographique rédigée Fabien Deglise dans Le Devoir. Le lien, d'ailleurs, qui est sur le Facebook de La vie en BD, si jamais vous le cherchez. Alors, on dit que c'était une figure discrète du 9e art, carrière de dessinateur qui s'est jouée pendant les années à partir de 73 sur le pseudo J. Guillemet, qui a été dans les années 70 à l'origine d'un des plus grands succès de la bande dessinée québécoise de l'époque, en mettant au monde Beaujoual, un fier représentant d'une culture sauvage en résistance dans un environnement hostile. Monsieur Deglise nous dit qu'il y a plus de 50 000 exemplaires de ses aventures qui sont vendus, une prouesse quand même dans un marché ou alors tout genre confondu. 3 000 exemplaires vendus faisaient déjà un best-seller. Alors les aventures de Beaujoual, qui étaient une relecture à la sauce québécoise du monde d'Astérix, se sont déclinées sur 3 épisodes, le Huron québécois en 73, Beaujoual à l'Expo des 67 en 74 et le Zeus de la 21e Olympiade en 76. Et évidemment, par la suite, il a continué à travailler autour de la bande dessinée, également de la caricature en parallèle de ses autres carrières. Alors voilà donc décès tout récent donc de monsieur Jean-Guy Lemay. Sinon on change complètement de répertoire, je veux simplement vous mentionner les bandes dessinées qui sont en lice au prix SNCF du Polar 2014, 5 titres, notamment un titre édité au Québec, l'article est Prévert de Benjamin Adam à La Pastèque, également les titres Brigitte et la perle cachée de Aïcha Franz chez Ça et Là, Casterman qui est nominé via Brune Platine de Lisa Mandel et Marion Mousse dont on vous avait parlé ici à l'émission, et également un excellent titre du côté également de Ça et Là, Mon ami Damer de Derf Bagderf. Alors voilà, les prix seront remis un peu plus tard, en fait ça va là en mai 2014, donc c'est les prix qui sont donnés notamment via le service de train français. Alors voilà, pour ces éléments, on écoute un peu de musique et au retour on jase avec Maryse Dubuc. We'll be right back. Et voilà, petit extrait musical, toujours à savoir 8 bits, comme c'est d'ailleurs récurrent ici à La Vie en BD. Cette semaine, notre sélection musicale, c'est Chris Kreiser, tiré de son album éponyme. On vient d'écouter un premier titre qui s'appelle New Blood, du moins un extrait de ce premier titre. Et maintenant, on passe d'un premier titre à un sixième, donc on le mentionnait, sixième tome de la série Les Nombris, qui a été lancé tout récemment. On a le plaisir d'être en compagnie de son auteur, aux côtés du dessinateur Marc Delafontaine, alias Delaf. On est en compagnie de Maryse Dubuc. Bonjour. Bonjour, Raymond. Alors, j'ai l'impression avec le sixième tome, évidemment, on reste vraiment dans la lancée de ce qui avait été amorcé au dernier tome. Évidemment, l'humour est toujours au rendez-vous, mais j'ai l'impression aussi que toi et Delaf, vous êtes lancés un peu à cœur joie dans la carte suspense. Et c'est la première fois que j'avais l'impression que cette carte était vraiment jouée à fond à l'intérieur d'un album des Nombris. Oui, c'est vrai que dans le tome 6, on a fait un petit mélange, là, c'est ça. C'est pas le mélange le plus évident qu'on puisse imaginer de faire à la fois de l'humour, du gag et puis du polar. Mais c'est un petit défi qu'on s'est donné pour le sixième album. Qu'est-ce que vous avez donné envie, justement, de vous lancer ce défi-là? Ah, on s'est un peu embarqué là-dedans, inconsciemment, si on veut, au fil des histoires, au fil des albums. Ça s'est créé un petit peu. Il y a le personnage de Albin, donc, qui a une grosse influence sur Karine, qui a fait en sorte que Karine est passée de la victime à une fille beaucoup plus rebelle qui se reprend en main. Et puis, on avait amené au fil du tome 5 la question, est-ce que Albin est une bonne influence, une influence positive mm-hmm. ou négative pour Karine? Est-ce que ça va pas un peu trop loin, tout ça? Est-ce que Albin n'a pas un trop grand impact sur la vie de Karine? Puis c'est un petit peu ça là, qui a amené avec la finale du tome 5 où on se demandait, on posait un peu la question, est-ce que Albin est un type dangereux ou une bonne influence qui nous a amené au tome 6 à devoir répondre à la question? En fait, c'est un peu le pari qu'on se donne avec les Nombris depuis le début, c'est qu'on se met un peu dans le pétrin à la fin d'un album, puis à l'album suivant, ben, il faut essayer de se débrouiller avec tout ça. Exactement. En fait, ça lance un peu des thématiques et c'est toujours agréable d'ailleurs parce que dans les dernières pages de l'album, justement, on voit un peu vers où vous comptez vous orienter. Et encore là, c'est le cas aussi au sixième tome. J'ai presque pas envie d'en dire trop, mais encore là, on nous ouvre et vous ouvrez aussi en tant qu'auteur des nouvelles portes et des nouveaux éléments qu'on n'a pas encore non plus vu explorer. C'est un peu la volonté de se renouveler, de ne pas rester assis dans un univers qui marche quand même assez bien, là. Oui, c'est ça. Ben, un des défis qu'on s'est donné aussi dans le tome 6, c'est en fait, comme notre série, c'est trois personnages principaux, ce qui est assez inhabituel. Jusqu'à maintenant, on avait beaucoup parlé de Karine, mm-hmm. mais pour nous, vraiment, les trois personnages ont une importance qui s'équivaut. Donc, on a pris Vicky, qui est un peu notre personnage mal aimé. C'est le personnage qu'on nous demandait le moins souvent en dédicace. C'est le personnage que les gens considéraient souvent comme étant la méchante dans la série. Et puis, on l'a humanisé davantage. On lui a donné plus de place. Et puis, c'est ça, en toute fin d'album, on amène un élément qui redéfinit complètement le personnage. Et c'est une envie qu'on avait depuis longtemps. C'est quelque chose que nous, on connaissait du personnage depuis longtemps et que les indices ont été semés au fil des albums, même si très discrètement. Ça fait longtemps qu'on avait envie de faire cette révélation-là avec le personnage. Et puis, on cherchait le bon moment pour l'amener tout en respectant l'évolution et puis l'émotion autour de ce personnage-là. Oui, puis en même temps, j'ai l'impression que la porte était bien ouverte dans la mesure où dans le dernier album, tu l'as dit en introduction, en fait, Karine, la victime, est un peu derrière nous, en fait, est passée à autre chose, elle s'assume un peu plus, elle a bien évolué au fil des tomes, et donc c'est un peu le tour des autres protagonistes de prendre un peu de bœuf, si on peut dire, autour de viande, autour de l'os, de prendre en richesse, en dimension, et en même temps, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on revient aussi en parallèle de cet élément sur lequel je veux pas trop qu'on en dévoile, parce que c'est quand même un punch intéressant, si on peut dire. Mais il reste qu'on revient aussi avec notamment Vicky sur la carte de l'intimidation, sur la victimisation aussi, ce qui donne une autre lecture déjà de ce personnage-là. Oui, c'est ça. Mais en fait, Vicky, oui, elle a un peu un rôle, si on veut, c'est elle qui verge sur les autres souvent, mais c'est aussi, d'un autre côté, une victime et une ancienne victime qui a extrêmement souffert. Donc, c'est un peu comme c'est la particularité des Nombris d'être à la fois de l'humour et de tout plein d'autres émotions aussi. Ça fait en sorte qu'on doit typer un personnage à la base pour pouvoir faire du gag avec. Mm-hmm. Mais ça n'empêche pas d'ensuite découvrir une deuxième puis une troisième facette des personnages qui permettent de les enrichir, de les humaniser, puis de leur donner, c'est ça, une profondeur qui fait que ça amène nos histoires, tout en restant d'humour, ça amène nos histoires vers quelque chose de beaucoup plus complexe avec différents niveaux, si on veut, de compréhension. Mm-hmm. Puis la révélation qu'on fait, c'est ça, dans le tome 6 avec Vicky, effectivement, sans trop en dire, pour une série qui est tout public, c'était un thème à aborder qui nous tenait à cœur, puis qui était un grand risque aussi. Mm-hmm. Puis on était très curieux de voir la réponse des lecteurs, puis c'est étonnant, même les très très jeunes ont une réponse vraiment, ils démontrent une belle ouverture, et puis alors, depuis le début, on fait le pari de se fier à l'intelligence de nos lecteurs. Mm-hmm. Même si on a des très jeunes lecteurs, on a des lecteurs d'âge très variés, on se fie à leur intelligence, puis on amène des thématiques qui font partie de la vie contemporaine. Puis on prend le risque de voir comment ils réagissent à tout ça, puis c'est vraiment très positif. Oui, parce qu'en même temps, on le voit d'ailleurs de série en série. J'ai l'impression que quand on réussit en tant qu'auteur à bien s'ancrer dans la réalité dans laquelle on se situe au moment où on écrit ça, dans les débats qui composent cette actualité-là, mais c'est là aussi où j'ai l'impression que l'humour prend une des dimensions additionnelles et permet d'explorer aussi peut-être de manière différente, si on peut dire, des enjeux, des débats, des préoccupations qui sont assez pressantes d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Ben l'humour, c'est toujours un bon outil pour dédramatiser des thématiques qui pourraient paraître je sais pas, choquante ou tu sais, les adultes souvent se disent bon, mais je veux protéger mon jeune, je veux pas lui parler d'une thématique ou de tu sais, je veux pas lui parler d'alcoolisme, je veux pas lui parler de drogue, je veux pas, mais les jeunes sont côtoient ces thématiques-là à tous les jours, donc il faut pas les éviter. Si on veut connecter, si on veut pouvoir leur parler directement, il faut y aller directement. Tu sais, l'adolescence, c'est pas tout rose. Puis c'est en le montrant, puis en le dédramatisant avec l'humour, que tu sais qu'on peut favoriser la communication, puis permettre une autre façon aussi de voir les choses. En fait, je suis tombé au fil de mes lectures sur une citation de Delaf que je trouvais qui décrivait bien aussi la ligne sur laquelle, à ce niveau-là, la série peut se situer, dans la mesure où il disait que vous vouliez faire quelque chose de moral sans être moralisateur. Oui, c'est ça. Exactement. C'est que, en fait, c'est sûr que nous, on se replonge souvent dans notre adolescence, dans nos émotions d'adolescence, parce que c'est un peu au niveau du ressenti. On veut garder ça, si on veut, vivant pour nous. Et puis, c'est ça, les gens, ça, vont nous dire souvent, c'est ce que vous faites dans les nombrils, ça, c'est bien observé, c'est bien perçu, vous décrivez bien l'adolescence. Mais en réalité, c'est faux. C'est pas notre perception. En fait, c'est du ressenti. C'est vraiment de replonger dans l'adolescence. Puis au niveau de la morale, c'est, en fait, je pense tout simplement, Marc et moi, on est quand même des personnes saines d'esprit. Et puis on tente de mettre du positif dans nos albums. Mais c'est pas en disant aux gens quoi penser non plus qu'on peut le faire. Ce qu'on essaie de faire souvent quand on amène une thématique, c'est de poser des questions, présenter la situation, puis laisser les lecteurs s'en faire leur propre idée. On n'est pas là pour donner des leçons, faire la morale. Puis de toute façon, ça c'est pas notre rôle, puis c'est pas amusant du tout à faire. C'est pas amusant du tout à lire non plus. C'est pas du scolaire. Ce qu'on fait, c'est vraiment, on met en scène les adolescents dans la réalité qui est actuelle, puis qui est quand même relativement universelle aussi, parce que c'est sûr que nous, de notre côté, on raconte un peu plus un ressenti québécois, puis on voit que les Français, puis les Belges, puis même avec les traductions, on voit que c'est un peu la même chose partout. Les gens s'y reconnaissent quand même. Mmh. Oui, puis en fait, c'est pas parce que, justement, on n'aborde pas la thématique ou la réflexion de manière scolaire, mais bien au contraire, qu'on l'aborde d'une autre façon, ben ça devient, j'ai l'impression, une autre type d'amorce, que ce soit, bon, des discussions entre amis, que ce soit des discussions entre parents-enfants. Mais en fait, c'est qu'on on dépasse un peu l'idée, justement, de la série humoristique de base au gag et le reste. Donc, oui, il y a ça, mais si on veut y trouver plus, on peut y trouver plus. Oui, ben j'espère bien, oui. Et en même temps, j'ai l'impression à travers tout ça que c'est un peu un équilibre en fait à trouver. Donc, on parlait un équilibre évidemment entre morale et légèreté, un équilibre entre humour et récit aussi, parce qu'il y a toujours cette dynamique-là d'équilibriste presque qu'on retrouve présente dans les albums où il y a quand même les structures de gags, une planche où il faut qu'il y ait des chutes régulièrement. Il y a des gags, il y a des vannes, mais en même temps tout ça doit tisser un récit qui est complet et qui quitte de temps en temps, notamment dans le sixième, tout particulièrement à mettre de côté un peu la nécessité justement d'avoir le gag de fin de planche, mais ça reste très présent aussi. Oui, c'est sûr que écrire les nombrils, c'est vraiment tout un puzzle. C'est pour ça que c'est très important qu'on travaille à deux, Marc et moi, parce que à la base, on écrit un synopsis qui raconte l'histoire de notre album. C'est 10-12 pages. Ensuite, on charcute ça en événements, en informations importantes, si on veut. Puis ensuite, il faut reconstruire pour chacun de ces moments-là une histoire complète avec un début, une fin, puis une chute de fin de page. Donc, forcément, en cours de route, l'humour, on a écrit une histoire, puis on la décante en gags humoristiques, mais ensuite, quand on rédige chacun de ces gags-là, puis quand on les découpe encore plus, il faut parfois diverger un petit peu de la ligne qu'on s'était tracée. Mm-hmm. Donc, jusqu'à un certain point, les gags vont aussi revenir influencer l'histoire, parce qu'il faut réadapter l'histoire à la direction que les gags nous ont fait prendre un peu plus involontairement. Donc, c'est effectivement, il y a beaucoup d'allers-retours, on retravaille constamment notre récit, puis chacun des gags, à chaque fois, l'objectif, c'est de faire en sorte que le gag ait l'air d'être là juste pour amuser, juste pour rigoler comme ça, mais nous, par derrière ça, on a caché une, deux ou trois informations importantes pour la suite du récit. On présente un lieu, on rappelle une caractéristique d'un personnage, puis on introduit une réplique qui va revenir plus tard. C'est à chaque fois de faire en sorte que ça ait l'air léger et naturel, mais c'est très, très calculé. Et avec le tome 6, ben avec justement aussi les trois récits où chacune de vos héroïnes ont chacun un peu leur histoire qui vont éventuellement converger. Mais oui. J'imagine que côté rythme aussi, ça permet de sauter d'une à l'autre. Ça vient enrichir un peu peut-être la dynamique, explorer aussi, voir un peu comment ils se comportent, mais seul, sans les amis, sans le support de ce groupe-là. Oui, mais c'est ça. C'était au niveau de l'environnement, c'était l'envie de les faire sortir un petit peu de l'école. Puis effectivement, comme c'est l'été, chacune vit de son côté. Ça a ses avantages parce que ça permet de varier un peu les atmosphères, si on veut. Mais c'est aussi un défi parce que les personnages se croisent rarement. Donc ça nous a fait amener les choses vers un récit effectivement assez différent. Et au niveau du nombre de pages, il fallait calculer nos affaires parce qu'on a vraiment pas assez proche de faire un album de 56 pages. C'est peut-être que ça va s'imposer pour le septième. Ouais, c'est sûr qu'au niveau du rythme de production, si on se met à faire des albums qui ont 12 pages de plus que la norme, ça va être difficile aussi. Mais je pense que il y a beaucoup, beaucoup de contraintes dans les nombrils, puis la longueur des récits en fait partie. Mm-hmm. Mais je pense qu'il faut apprendre à vivre avec ça. C'est sûr que si on regarde les tomes 5 et 6, on est rendu dans un récit qui est assez dense. Notre moyenne de cases par page est rendue à 12-13 cases par page, ce qui est quand même vraiment énorme. Ça prend du temps à faire aussi, mais en même temps, c'est ça. Ça donne une profondeur supplémentaire. Et en parallèle du sixième tome, aussi, Maryse Dubuc, on voit au fil des médias certaines ouvertures vers d'autres médiums, en fait, des projets d'adaptation, que ce soit en cinéma standard, en cinéma d'animation. Il y a un projet aussi avec l'auteur Jocelyn Roy d'une adaptation des tomes 1 à 4 côté de théâtre. Oui. Donc, il y a un désir peut-être qui vient soit de vous, soit de d'autres, d'apporter d'autres le récit, les nombrils, l'univers vers d'autres médiums. Oui, c'est sûr. Dans le cas de la datation théâtrale, c'est vraiment un désir que nous, on avait d'apporter la pièce vers les jeunes, de leur permettre de s'approprier cette histoire-là qui, dans le fond, si on résume les tomes 1 à 4, c'est vraiment l'évolution de Karine, donc un personnage qui se reprend en main. Je pense que dans les écoles, ça peut donner un texte un peu plus contemporain, si on veut, un petit peu diversifier le répertoire que les troupes de théâtre dans les écoles ont à leur disponibilité, mais aussi en amenant une réflexion sur une thématique, puis de la même façon qu'on l'a fait dans les albums, c'est une réflexion, c'est pas non plus des réponses, mais c'est les jeunes, Les jeunes, on sent déjà leur envie de s'approprier l'histoire parce qu'on le voit juste sur YouTube. Il y a des groupes qui sont formés puis qui montent des gags et qui les jouent puis qui les ont même adaptés dans certains cas. Donc, ça donne un résultat assez intéressant. Ça nous a donné envie de prolonger ça puis de faire ça sur scène. Alors, ben, on a hâte de découvrir ça et en route donc vers la lecture du 6e et éventuellement du 7e, évidemment. Maryse Dubuc, merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Au plaisir, au revoir. Au revoir. Alors, c'était Maryse Dubuc, donc la scénariste de la série Les Nombris avec Delaf. Donc, 6e tome, un été trop mortel qui vient de paraître du côté de Dupuis. Et on vient d'écouter un autre extrait de Chris Kreiser. Cette fois-ci, c'était CHC3. Et je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Vous pouvez nous suivre via Facebook, facebook.com/La Vie en BD. Également possible de réécouter les émissions en balado diffusion sur laviehenbd.wordpress.com. Et maintenant, on a le plaisir d'être en compagnie au bout du fil de Stéphane Gravel. Bonjour. Hello, hello. Ça va bien? Oui, très bien. Et ben, comme à l'habitude, en fait, j'imagine que c'est comme moi de ton côté, mais les BD s'accumulent sur la table de chevet. Et on descend tranquillement nos piles, et notamment on descend la tienne cette semaine en commençant avec Monsieur Maurice. Écoute, je te dis vraiment que ça fait un petit bout que je l'ai lu, puis là je me disais, crème, je pense qu'on n'a pas encore parlé de Monsieur Maurice et la Dauphine Jaune, qui est une BD assez rigolote et assez extraordinaire. Écoute, c'est une Maurice Thilleux. Mm-hmm. Et La Dauphine Jaune, c'est une biographie, dit-on, très romancée de Maurice Thilleux. Oh. Maurice Thilleux, ben c'est un auteur qui a fait vraiment sa marque dans les Spirou là, et mm-hmm. dans toute l'école franco-belge. Il a travaillé avec la plupart des auteurs de bande dessinée. Il a eu ses propres séries, entre autres avec Gilles Jourdan, et il a aussi été scénariste avec Will des Tiffet Tondu. Il a scénarisé les Natacha. Donc c'est un bonhomme qui est assez extraordinaire. Ce que j'ai trouvé très drôle, c'est la façon dont on dépeint le caractère de Thilleux. Mm-hmm. Thilleux a vraiment un sale caractère et est vraiment un obsédé de la BD. Et l'autre truc que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que Thilleux, pour moi, est un des grands dessinateurs de BD, mais c'est qu'à un moment donné, il a décidé tout simplement de mettre le dessin de côté pour pouvoir travailler exclusivement et essentiellement sur le scénario. Okay. Et là, on avait une crise des histoires aux éditions Dupuis et en BD en général. On sentait qu'il commençait à y avoir une grande faiblesse dans les scénarios. Pourquoi? Ben parce que, entre autres, la BD évoluait et on laissait tomber les ce qu'on appelle les petits Mickey pour pouvoir scénariser des trucs plus... plus de consistance. Mmh. Puis là, Thilleux, étant donné qu'il travaillait seul et qu'il faisait des bonnes histoires, a décidé d'abandonner ça et d'aller aider les autres et de faire des scénarios. Et c'est ça un peu, c'est ça qu'on vit un peu dans cette aventure-là. C'est un peu comme si on faisait un petit... si on était un petit peu témoin, si on veut, de certains moments de la vie de Thieux. On le voit avec Will, on le voit avec Valtteri. C'est pas une BD. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on utilise le personnage de Thieux comme personnage. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas d'en faire une biographie comme... On assume que c'est un personnage de BD qui a une certaine distance avec la réalité qui peut... Exactement, exactement. Et on embarque dans une histoire et dans une quête et dans comment le personnage va découvrir certaines histoires et ou comment il va le scénariser une autre histoire par rapport à qu'est-ce qu'il vit dans cette histoire-là. Et ça devient quelque chose que je trouve qui est extrêmement fascinant parce que c'est pas comme... la BD qu'on a vue récemment sur Hergé, là où on avait vraiment la vie de Hergé en BD, c'est pas la vie de Thieux en BD. C'est BD personnage de c'est Thieux personnage de bande dessinée et on embarque avec lui, mais ça reste quand même très près de son univers. C'est très très très très bien. Alors ça c'est Monsieur Maurice et la Dauphine Jaune. Oui, c'est dessiné et scénarisé par Basile et c'est très étrange. Et Stéphane, on a 3-4 minutes pour un deuxième titre à l'initiale Gigi Jacques Joseph. Écoute, Jeff Lemire a fait cette BD là. Jeff Lemire est un dessinateur qui gagne sa vie habituellement en faisant du comic book puis en travaillant sur de grandes séries américaines. Et de temps en temps, j'avoue, il doit certainement prendre son pied à faire des œuvres plus personnelles. Celle-là, Jack Joseph, soudeur sous-marin, c'est l'histoire d'une relation d'un petit garçon avec son père disparu. Le petit garçon cherche à résoudre, entre guillemets, l'énigme ou le chaînon manquant, disons, qu'il peut y avoir entre lui et son père, parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, il y a quelque chose qui marche pas, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, là. Mais ce qu'il sait, par contre, c'est que il est drôlement lui-même en vieillissant de plus en plus que son père était. Donc, il marche dans les pas de son père, il a un peu les manies que son père avait, il a les problèmes que son père pouvait avoir, il a une relation avec sa famille qui pouvait ressembler à celle que son père avait. Et puis, cette histoire-là est, dans le fond, une longue plongée, un peu à la Grand Bleu. C'est une plongée en scaphandre dans un océan où ce personnage-là va faire une plongée aussi à l'intérieur de lui-même et essayer d'aller retrouver quelle était sa relation avec ce, entre guillemets, bonhomme-là qui était son père. Qui était-il? Comment était-il? Et pourquoi il est ce qu'il est? Écoute, C'est un bel équilibre entre l'univers intérieur et l'univers extérieur. Absolument. C'est beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le dessin de Jeff Lemire. Là, il est très loin de ce qu'il peut faire dans ses super-héros. Il y a un plaisir à se réinventer, dans le fond, selon le style aussi, de se donner à la liberté de faire complètement autre chose, là. Oui, puis je pense que c'est certainement quelque chose qui doit le sauver, entre guillemets. Là. C'est vraiment une BD d'auteur qu'il fait. Et on sent qu'il y a vraiment une démarche personnelle et qu'il fait des histoires qui le touchent. C'est chez Futuropolis, cette BD-là. Je trouve qu'ils vraiment à chaque coup ils font de beaux livres. Puis c'est quand même une BD de 200 quelques pages, 220 pages, noir et blanc, extrêmement bien dessinée. Le dessin est narratif, il sert à raconter l'histoire, il sert pas à être beau. C'est l'ambiance, en fait. Ça fonctionne très, très, très, très bien. En fait, dès qu'on est dans un récit intérieur, il faut avoir une ambiance qui se tient, qui se défend, qui nous amène dans l'univers personnel de ces personnages-là. Oui, absolument. Ouais. Je suis pas sûr que ça aurait pu fonctionner avec des bonhommes agronés en couleur, là. Mais Jeff Lemire, bravo, là. Je pense qu'il faut vraiment... c'est la deuxième BD qu'il fait sur chez Futuropolis. J'ai oublié. Je pense que c'est Sex Country, l'autre. Exactement. Je cherchais le titre. Exactement. C'était très bonne aussi. C'était génial. Encore une fois, c'était très personnel. Mm-hmm. On sent que c'est une BD qui pourrait être autobiographique. On ne sait pas si c'est autobiographique parce qu'on n'est pas, c'est pas gonflé de jeu. Mais on sent que c'est des histoires, en tout cas, qui sont près de l'homme, là. Très, très, très, très belle BD. Alors, Jack Joseph chez Futuropolis de Jeff Lemire et Stéphane Gravel, nous on se dit à la semaine prochaine. Ben, avec plaisir. Excellent. Salut bien. OK, bye.

donc Frédéric Peter qui reste en Suisse et que j'ai vu dans le TGV avec son crayon géant, obligé de le porter. Il y avait un bonnet d'âne, il y a déjà eu une espèce de grand casque de Darth Vader avec des oreilles d'âne aussi qui a été donné. C'est vraiment fait pour la blague et pour le plaisir, comparativement à une cérémonie comme Angoulême et autres, qui est vraiment plus sérieuse. Là. Le prix reste sérieux, la reconnaissance reste sérieuse, mais ce qui l'entoure, on se permet un peu plus de rigoler. D'en rire et de tout. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est vrai, en fait, pour que les auteurs aient du plaisir, autant durant la journée que le soir, donc avec les activités organisées et tout. Puis Saint-Malo, qui est une superbe ville avec une structure d'accueil qui est quand même assez incroyable comparativement à Angoulême, où les gens couchent chez l'habitant. À Saint-Malo, il y a plein de restaurants, plein d'hôtels et tout. Donc, ça change vraiment de la dynamique du festival. Et de ça, si on a plus de dynamisme, plus d'activité pour les auteurs, est-ce que pour les gens qui y vont, est-ce qu'on profite aussi un peu de cette effervescence, de ce côté humain-là? Oui, parce que le festival est situé dans des locaux qui sont sur le bord de l'eau. Il y a des expositions à l'extérieur, des expositions aussi ailleurs dans Saint-Malo. Donc, il y a un beau parcours à faire, puis il y a des belles choses à voir. Par exemple, cette année, il y avait une superbe exposition de Gottlieb qui était présentée un peu avant le festival et qui durait aussi durant le festival. Une très belle rétrospective de Jean-Claude Fournier, l'auteur de Spirou, de Bizu et autres, donc qui a présenté son travail. Un auteur qui reste à Saint-Malo et qui est un des fondateurs aussi de la nouvelle version de Quai des Bulles. Donc, c'est un très bel hommage qu'ils lui ont rendu. Mais il y avait une série d'expositions, des animations. Il y a aussi des spectacles vivants qui ont mis. Donc, le Comptabule, entre autres, qui combine le conte, le dessin, la musique et tout. Des choses qui devraient revenir vers Québec éventuellement, d'ailleurs. Ah, donc, des bases de collaboration qui peut-être s'amorcent. Oui, bien, la ville de Saint-Malo est une ville sœur avec la ville de Québec. Donc, il y a un lien naturel à faire avec l'événement Quai des Bulles. Donc, ça fait quelques fois qu'on se rencontre là-dessus. Et cette année, ça devrait se concrétiser lors du prochain festival en avril. Et tu as mentionné donc l'expo Fournier, l'expo Gottlieb. Est-ce que tu as d'autres coups de cœur, d'autres éléments qui ont attiré particulièrement ton attention? Bien, je te dirais que moi, dans la façon que ce pourquoi j'y allais, c'était vraiment pour des rencontres et pour rencontrer des gens plus que pour profiter de la généreuse programmation. Donc, je te dirais, moi, c'est vraiment le côté agréable de la ville et du festival pour rencontrer les gens. C'est relax, on fait ça sur une terrasse avec un verre et tout, comparativement à d'autres festivals comme Angoulême où c'est le festival des rendez-vous perdus où tout le monde est pris en des rencontres, tu rates ton rendez-vous, tu te remets et tout. À Saint-Malo, c'est très relax et ça permet vraiment de rencontrer tout le monde. Fait que j'ai fait de très, très belles rencontres là-bas et il y avait peu d'auteurs québécois cette année. Donc, ça permet des fois, quand il y en a plusieurs, ça permet de partager les contacts et tout. Cette année, il y avait Julie Rochelot qui était présente. Puis il y avait Elodie Boivin aussi qui fait de la coloration maintenant, qui est une auteure de Québec qui avait les Délires d'Élie, qui est rendue à Saint-Malo et qui reste avec son conjoint Nicolas Malfin, qu'elle a rencontré durant le Festival de Québec d'ailleurs. Alors, comme quoi l'univers BD amène peut-être à l'amour. Il n'y a pas juste Nez Rouge là, qui crée des belles histoires. Exact. Et parallèlement, qu'est-ce qu'on retiendrait d'autre là, autour de ça? Comme je disais, moi, Saint-Malo, j'y allais pour des rencontres. Donc, ça m'a permis d'étoffer un peu plus la carte des auteurs qui seront présents au festival cette année au niveau des activités, des expositions et tout aussi. Il y a des choses qui ont été présentées par Saint-Malo qui vont être présentées à Québec en avril. Donc, ça m'a permis, moi, personnellement, vraiment d'aller bonifier la programmation encore cette année du Festival de Québec avec une nouvelle collaboration internationale qui va être très intéressante. Et Thomas-Louis, justement, à titre de directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, qu'est-ce qui fait l'importance d'aller peut-être renouveler, d'aller peut-être développer des nouveaux partenariats comme ça avec différents événements? Bien, le Festival de Québec a la volonté de bonifier sa programmation année après année avec des nouveaux concepts, des nouvelles choses. On l'a fait avec la Ligue québécoise d'impro BD, avec des planches sur l'Atlantique, avec Lyon et tout. Mais c'est important d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour amener des nouvelles idées ou des concepts et des alliances, dans le fond, comme on va le faire cette année avec eux. Mais donc, d'aller en Europe, de un, ça vaut la peine de voir ce qui se fait, parce qu'il y en a énormément des festivals de bande dessinée. Donc, un festival comme Quai des Bulles accueille aussi d'autres événements de la Bretagne et de l'ouest de la France qui viennent présenter un peu leur programmation et leurs choses. Donc, j'ai récupéré des programmes de plein d'événements, fait des rencontres aussi avec des programmateurs là-bas. Donc, ça permet d'échanger puis de peut-être donner des occasions à nos concepts de s'exporter aussi et d'aller rejoindre un public français. Oui, c'est intéressant le point que tu amènes dans la mesure où en Europe, il y a un écosystème de festivals qui est beaucoup plus grand qu'au Québec. Au Québec, il y en a quoi, 3 ou 4? Là-bas, il y en a des masses, comme on dit. Si on fait la France, on fait la Belgique. Festivals par week-end durant l'été. Donc ça devient difficile, au-delà des assises régionales, d'aller réussir à se démarquer. Exact. Justement. Mais en France, il y a beaucoup de festivals dans les petites villes qui sont uniquement des festivals de dédicaces ou à peu près, mais il y a quand même des festivals comme Quai des Bulles, comme On a marché sur la bulle et d'autres organisations aussi qui développent des programmations vachement intéressantes par rapport à la bande dessinée. Donc, de créer des liens avec eux, c'est de créer des moments d'échange, de partager ce qu'on fait, comme je disais, et éventuellement de trouver des avenues intéressantes pour nous, pour eux, puis pour les auteurs d'ici. Oui, dans la perspective où, dans le fond, il y a le souci, il y a le désir, autant ici que là-bas, d'aller plus loin que la dédicace, en fait, que les festivals de BD ne soient pas limité à cette activité qui est essentielle, qui est importante. Mais oui, c'est la rencontre entre l'auteur et le lecteur. Cela dit, comme je dis, il y en a quand plusieurs festivals par week-end. Si tout le monde fait de la dédicace, ils ont de la misère à trouver leur public, là, parce que quand même, les gens se promènent et vont d'un festival à l'autre. Là. Plus beau souvenir de Saint-Malo 2013 en terminant? Ah, les verres sur la terrasse du bord de l'univers, à discuter puis à croiser tout le monde, un souper avec Jean-Claude Fournier, des choses comme ça. C'est vraiment le temps de prendre le temps de rencontrer les gens, ce qui est vraiment agréable à faire. Alors voilà, donc regard sur Quai des Bulles 2013. Et Thomas Louis, nous on se dit à la prochaine. Et avant de te laisser, je veux aussi te féliciter. On l'a mentionné la semaine dernière, mais je rappelle aux auditeurs, tu es en nomination en développement culturel au prix des arts et de la culture de la ville de Québec. Ben, merci. Alors, félicitations. Nous le serons le 25. Effectivement. Donc, le suspense dans quelques semaines. Alors, Thomas Louis, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Et nous, on repart avec un dernier petit extrait musical, donc toujours de Chris Kayser, de son album éponyme. On écoute Nitro. Bonjour à La Vie en BD. On vient de porter un regard sur un événement qui s'est terminé du côté de l'Europe et on termine l'émission en portant un regard sur un événement qui s'en vient ici à Québec, en fait mercredi prochain, le 13 novembre à 19h à la bibliothèque Gabriel Roy. C'est une nouvelle rencontre des rendez-vous de la BD sous le thème La passion du vin. Et fidèle à notre habitude, on reçoit l'animateur, le recherchiste, l'organisateur de ces rencontres pour explorer un brin la thématique avant le mercredi, mettre la table. Et c'est littéralement le cas dans ce cas-ci. Michel Côté, Michel Giguère, bonjour. Hey, merci pour la promotion. De rien. Hey, on vient, tu ne l'as pas mentionné, mais on vient par ailleurs d'écouter de la musique de Drogué, là. Oui, pas probablement. Il y avait un passage pas fait. Et Michel, la passion du vin dans une activité BD, j'ai presque envie de te demander, en fait, pourquoi? D'où est venu l'instinct, peut-être, de proposer ça? Ouais, le lien n'est pas direct. Ça a été inspiré par l'album les ignorants, dont il a déjà été question à ton émission. Et pour les gens qui connaissent pas cet album-là, ça vaut peut-être le coup d'expliquer un petit peu brièvement le concept. C'est que son auteur, Étienne Davaudoux, qui s'est fait connaître par de très bons récits de fiction, mais ce qui a été plus marquant dans son parcours, ce sont vraiment ses BD documentaires, carrément, des reportages sur différents thèmes. Et à un moment donné, il a eu l'idée de proposer à un de ses amis vignerons. Il lui a dit, écoute, moi j'aime beaucoup le vin, mais j'y connais rien. Et toi, tu connais rien à la bande dessinée, vraisemblablement. Donc, ce que je te propose, c'est que pendant un an, je vais t'aider sur ta vigne. Et pendant la même période de temps, tu m'accompagnes partout. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il a traîné son vigneron, Richard Leroy, dans des événements, des festivals, il l'a traîné chez d'autres BDistes, chez son éditeur, chez l'imprimeur. Il l'a vraiment initié, immergé dans le milieu de la bande dessinée et surtout, il lui a fait lire un tas de bandes dessinées qu'il considérait évidemment excellentes. Et de son côté, il a vraiment mis la main à la pâte et les deux mains et les deux pieds pour l'aider tout au long du passage des mois là, sur la vigne. Et il en a fait un album de BD. Qui est très réussi, là, de manière générale. Ouais, puis j'ai entendu des commentaires sur cette bande dessinée-là, l'effet que c'était un peu long, que c'était pas vraiment palpitant. Et là, les bras m'en tombent, mais qu'est-ce que ça vous prend? Le sujet de ça, c'est la passion de son métier. Des gens qui pratiquent un métier avec passion. Et du côté documentaire, ça a fait l'objet de beaucoup de films, documentaires et d'ouvrages écrits, imprimés. Et puis, pourquoi pas en bande dessinée, c'est un support qui s'y prête très bien. Et puis, c'est une ode au métier, à une pratique vraiment honnête de son métier. Oui, puis il y a quelques autres. En fait, la BD sur le vin, on dirait, depuis ou avant ou en parallèle, il y a eu quelques petites séries qui sont développées en différents angles, évidemment. Oui, des oui, bonnes oui. Et des moins bonnes. Tout à fait. Il y en a vraiment quelques-unes assez récentes du côté européen, mais antérieures à ça, il y en a beaucoup au Japon, tant et si bien que c'est presque en voie de devenir un genre en soi, la BD sur la bouffe et la BD sur le vin, oui. Et donc, pour pas être en reste, j'ai pensé que la soirée pourrait porter également sur un manga japonais, le plus grand succès du genre, là, qui s'appelle Les Gouttes de Dieu. En fait, je savais pas qu'il y avait des mangas sur la bouffe et le vin. Je veux dire, en fait, là, c'est en même temps, c'est intéressant parce que j'imagine côté rencontre, on a d'un côté les ignorants, que c'est vraiment la culture française du vin, le regard sur le métier, etc. Et j'imagine Les Gouttes de Dieu, c'est un regard quoi plus occidental, c'est autre chose. Est-ce qu'on est un peu dans la même lignée? Plus oriental, peut-être. C'est vraiment le regard d'un pays très développé comme le Japon, qui est pas un producteur de vin, mais qui en importe beaucoup et pour qui c'est presque mythique, là, la culture, la vigne, ce qui se passe en France, en Europe en général. Donc, il y a toute cette espèce d'engouement-là. Cela dit, ça a tellement pas rapport, Les Gouttes de Dieu, avec les ignorants, que les gens vont avoir droit, mercredi prochain, à un choc d'abord visuel, parce que quand on projette les planches sur écran, c'est assez grand, merci, et on passe d'un écran à l'autre, et puis autant Davaudoux, son style, comme tu sais bien, fait pas dans les pattes et dans l'esthétisme. Mm-hmm. C'est un trait utilitaire, je dirais. Lui-même dit volontiers qu'il fait partie de ceux qui ont un dessin qui est une forme d'écriture. Et lui, il se met entièrement au service, pas seulement de son histoire, mais quand il fait des documentaires, au service du sujet qui l'intéresse. Tandis que Les Gouttes de Dieu, c'est éminemment esthétisant, et c'est d'ailleurs, il y a des planches magnifiques, c'est très très bien dessiné. Et puis, autant l'autre est rigoureux, documentaire et pas sensationnaliste, autant Les Gouttes de Dieu, c'est un peu invraisemblable, l'histoire est un peu grosse, et puis c'est une narration qui est très spectaculaire, fait que sur le plan narratif aussi, les gens vont avoir une espèce de choc, là, de contraste. Là. Et j'imagine que toi aussi, tu viens te nourrir un peu de ce contraste-là dans le récit, dans la rencontre que tu vas proposer en lien avec ça. Je te dirais même dans la préparation. C'est pas la première fois à ce micro-là que je précise que j'essaie de me renouveler, de me surprendre, et pas juste en pensant aux invités que je reçois en avant ou encore aux gens qui vont assister, mais pour moi aussi, parce que c'est des heures et des heures de préparation, et justement, d'ajouter un petit élément, c'est comme d'ajouter des épices à un repas, là. C'est comme pour me déstabiliser un petit peu, puis provoquer des choses. Et pas juste pour que les gens aient un aperçu du contraste là, entre les ignorants que j'ai décrits, les gouttes de Dieu. Ben rapidement, les gouttes de Dieu, ça commence avec la mort d'un réputé onologue qui laisse dans le deuil un fils qui est jeune adulte, dans la vingtaine. Et ce type-là était tellement intransigeant dans son travail, dans sa façon d'élever son fils, qu'il l'a dégoûté du vin, si bien que le fils n'en a jamais bu une goutte. Mais il a été obligé d'aider son père là, sur certains aspects. Et quand le type, le père, meurt, on apprend à la lecture du testament qu'il a, pour ainsi dire, presque adopté un autre jeune homme qui est un œnologue émergent qui monte et qui a déjà une réputation. Et puis, il émet au défi, en fait, il dit que son héritage va aller à celui des deux qui va identifier un vin qu'on surnomme les gouttes de Dieu. Alors là, ça va être comme un duel entre ces deux jeunes hommes-là pour réussir à faire le test, le défi. Tu disais qu'on était dans le mythique. On est dans le mythique là-dedans. Ben c'est ça, c'est un peu gros comme histoire, là. Mais quand même, c'est enlevant, tout est là pour que ce soit vraiment captivant. Et Michel, on parlait de contraste tout à l'heure. Il faut dire aussi, si on revient un peu au rendez-vous de la BD de manière générale, ça t'arrive souvent d'avoir des invités, en fait, de temps à autre, que ce soit un auteur, que ce soit quelqu'un qui est lié à la thématique, au niveau visuel notamment. Mais dans ce cas-ci, c'est, je pense, parmi les premières fois ou la première fois où tu as choisi d'inviter quelqu'un qui est complètement extérieur au monde de la BD, mais complètement intérieur au monde du vin. Complètement intérieur au monde du vin, c'est bien dit. Écoute, tellement qu'en fait, quand j'ai eu l'idée de ce thème-là, je me cherchais mon vigneron à moi, comme Davodo avait son ami, mais moi j'ai pas d'amis vignerons, je m'en cherchais un et j'ai cherché autour de moi en parlant. Eh bien, on m'a pas proposé des vignerons, à vrai dire, on m'a proposé des spécialistes du vin. Et les deux autres étaient sommeliers, importateurs de vin, ils connaissaient pas mal bien la bande dessinée. Et le dernier que j'ai rencontré, c'est lui, vigneron. C'est lui qui connaissait le moins la bande dessinée, donc c'est lui qui était le plus près du personnage de Richard Leroy dans la BD de Davodo, Les Ignorants. Donc c'était vraiment un ignorant. Il me fallait quelqu'un qui soit à mon niveau. Oui, ben, enfin, aussi, à ce que t'es au vin, que lui il soit à la BD. Absolument. Qui peut, lui, il n'y a pas de préjugé contre ça, puis je pense qu'il a pris du plaisir à travailler là-dessus. Mais... Et là, je fais une parenthèse, j'ai assumé que tu connaissais peu le vin. Oui, absolument. J'en bois tous les jours, cela dit. Puis malgré ça, j'y connais pas grand-chose. Mais là, déjà, je m'y connais un peu plus. Si bien que j'ai trouvé mon vigneron. Et moi, je lui ai pas fait lire plein de BD. Je lui en ai fait lire deux. Le tome 1, Des Gouttes de Dieu et Les Ignorants. Okay, donc, les deux BD que tu vas explorer. Et dans le fond, j'imagine qu'on va se nourrir un peu de la perspective de cette personne-là. Peux-tu nous en parler, nous le présenter peut-être un petit peu pour... Il s'appelle Carl Bourget. Il dirige le vignoble Le Nordais dans le Binière. C'est en fait à Pintendre, là, dans les terres vis-à-vis Lévis. Et puis, il a délaissé ce type-là, un métier qu'il avait là, et dont il vivait bien, par passion pour le vin. Il s'est lancé, un peu comme Richard Leroy d'ailleurs dans la BD, il s'est lancé dans cette idée un peu folle d'avoir sa vigne à lui, mais au Québec, dans les conditions climatiques qu'on connaît. C'est pas facile. Non, c'est tout un défi. C'est donc un vrai passionné. Et puis, il a, au-delà de son expérience de vigneron, il a été aussi juré sur des jurys pour des concours de vin. C'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît. Et moi, j'ai bien aimé aussi quand il m'a appris, quand je l'ai rencontré, qu'il avait lancé, au marché du Vieux-Port, un comptoir de distribution de produits cidre, vin et compagnie du terroir, régionaux. Donc, il rend accessible au public des produits également de ses compétiteurs. Et moi, je trouvais que ça, c'était bien en phase avec, d'abord, des principes comme l'intégrité et... une espèce de morale aussi, et je trouvais que ça allait bien avec le personnage de Richard Leroy, le vigneron de l'album, qui est un pur et dur, ainsi qu'avec Étienne Davodo, qui, pour peu qu'on lit ses BD, on devine que c'est vraiment un humaniste, là, carrément. Et qu'est-ce que ça donne, ces nouveaux regards croisés-là, en fait, quel apport lui va avoir sur la lecture vinicole que tu fais des planches, quel regard il va avoir sur la lecture visuelle et narrative que tu fais de ces mêmes planches-là? Écoute, j'ai super hâte. Lui, il m'a dit, on s'est rencontrés une fois, puis là, il m'a dit, on va se revoir, tout ça, puis j'ai dit, non. Moi, je veux poser des vraies questions, je veux pas connaître les réponses, si bien que j'ai super hâte de voir ce que ça va donner. Je sais que chacun de notre côté, on s'est bien préparé, mais on s'est pas tout dit. Et puis, c'est sûr que lui, il vient en tant que spécialiste, au même titre que moi, avec la même expertise, ben justement, une autre expertise professionnelle, lui, en tant que connaisseur en vin. Donc, il va porter un regard, justement, sur les aspects techniques de ce qui est présenté à l'écran, tant sur la vigne comme telle que dans les restaurants, comme les Gouttes de Dieu, c'est beaucoup dans la restauration. Mmh. Et on parle beaucoup de grands vins, tout ça. Et puis, ce faisant, ben il va commenter les albums, nous instruire un peu sur son métier et sur le vin en général. Et moi, j'ai bien l'impression qu'il va y avoir pas mal de gens dans la salle et qu'ils vont être très attentifs, là. Oui, mais c'est intéressant, en fait, partir de l'idée d'un concept d'album et de voir de quelle manière on peut faire sortir ce concept-là de l'album et le faire vivre aussi, mais toujours en étant, en ayant ce lien-là, ce pont-là. D'ailleurs, Davodo est au courant du projet parce que j'ai demandé l'autorisation d'utiliser son image. Et puis, j'ai bien hâte aussi que M. Bourget, Carl Bourget, passe des commentaires sur son appréciation en tant que néophyte, lecteur de BD. Ça aussi, j'ai hâte. Donc, on fait une rencontre un peu sans filet, j'ai envie de dire, un peu non, quand même pas, là. C'est archi préparé. C'est juste que ce soit pas télégraphié. Je rencontre jamais les invités avant, puis je leur fournis pas mes questions. Puis c'est pas d'être sans filet, c'est de se laisser une marge de spontanéité, puis de naturel. Alors, ben, en fait, je le rappelle, c'est mercredi prochain, le 13 novembre, c'est à 19h, donc La Passion du vin, au rendez-vous de la BD. Ce sera animé par Michel Giguère. C'est gratuit, pas besoin de réserver. Voilà, on se présente tout simplement sur place. Michel, on se dit au mois prochain. Sans faute. On va parler de neige. On va être peut-être dans la neige. Probablement. Même. Alors nous, c'est ainsi qu'on termine l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, spéciale mécanique générale. Renaud Plante, Philippe Girard et Jimmy Beaulieu seront avec nous. Alors passez une excellente semaine sur les ondes du 89.1 et dans quelques instants, Soul Finger.